des rignots, c'est le maxi. Un cri de haine. Brah, écoute ma haine accompagné de DR. C'est pas un son pour les tapettes, vu que ce son est vénère, frère. Un cri de haine à ceux qui triment dans la crasse, à ceux qui vivent dans la cave, pas ceux qui tissent quand ça se gâte. Entends ma haine lorsque j'essaye, mais que j'échoue. Regarde mes yeux qui versent des larmes, peu à peu sur mes joues. Pas à pas je m'échoue, mais je fais tout pour pas me noyer. Alors je suis mes rêves d'une baraque et d'une île hawaïenne. Mais j'ai pas les moyens des R, c'est pas dans mes corps. Tellement de haine infernale, bonne à vous planter dans le décor. C'est à cause de l'état, si des refs manque de l'étage, je pas le gros, le détail, sinon tu sautes l'étape. Moi je sors très tard, je sors très tard. À l'heure où des putains de cons s'insultent, je sors ce pétard. Ah, écoute ouais, ma haine en pétard, elle pourra peut-être te résonner dans les moments où ça va mal ou quand tu pars à les zoner. Un cri de haine quand j'aperçois les gens dans ce monde. C'est sûr que pour soigner les plaies, il faudra plus qu'un grand pansement. L'état nous narre. Et puis notre haine en rajoute. Va dire à l'extrême droite qu'on vient lui cracher sur la joue. Les blêmes se rajoutent quand notre haine s'agite. Sache que la peine prend fin lorsque l'esprit agit. Le cœur fragile, mais la tête agile. R2 haine des réunions en rap pour que le bonheur se rétablisse. C'est légitime, je crie ma haine sur tous les doigts. J'ai la rage, ouais. Ça se ressent sur le bout de mes doigts. C'est légitime de faire de ma colère une arme. Mais j'écris des textes mélancos à l'encre de mes larmes. Oui c'est dur, mais non je me laisse pas faire. Ils verront que le petit DR a la tête sur le terre-terre. Je pense à ceux qui ont brisé mes rêves, qui ont fait de moi un fauve avec le rap comme arène. Le temps passe, j'en profite même pas. Je me laisse ronger par la vengeance et ça je ne cache pas. J'ai tout fait, ouais, tu as ma parole. C'est bien toi la pute, n'inverse pas les rôles. Je dédicace mon couplet au courage. On compare pas les chats domestiques avec les lions sauvages. Pour finir, surtout pour résumer, tu as reconnu le cri de haine qui vient de résonner. Un cri de haine quand j'aperçois les gens dans ce monde. C'est sûr que pour soigner les plaies, il faudra plus qu'un grand pansement. L'état nous narre. Et puis notre haine en rajoute. Va dire à l'extrême droite qu'on vient lui cracher sur la joue. Les blêmes se rajoutent quand notre haine s'agite. Sache que la peine prend fin lorsque l'esprit agit. Le cœur fragile, mais la tête agile. R2 haine des réunions en rap pour que le bonheur se rétablisse. Colérique et matine, vous n'avez jusqu'à le constater. Faites sonner les matines avant qu'il y ait 12 morts à terre. On vise doucement la tête pour ne pas tous les rater. C'est comique de police. Politicien qu'au final s'en foutent de la paix. Moi je shoote ma peine, je shoote ma peine. Car en premier je sais pertinemment que c'est la foudre qui est atteint. Mon cœur souffre à plein temps, du matin jusqu'au soir. Donc je vise ma tempe et je m'entraîne juste comme ça. J'ai les veines qui sortent lorsqu'ils récitent leur baratin. Ils nous comparent aux 40, leur voyage bon vieux d'Aladin. À la tienne des airs, en fait la descente aux enfers. Ils te disent que tout se passe bien et c'est le chétan qui les guide en fait. On a tous la rage devant ces maudits inspecteurs. On a envie de foutre le feu et de cacher tous leurs instincteurs. 2010 les temps sont durs, elle est bien loin la vie de rêve. C'est le rap de Nîmes des Rignots, tu as entendu le cri de haine. Un cri de haine quand j'aperçois les gens dans ce monde. C'est sûr que pour soigner les plaies, il faudra plus qu'un grand pansement. L'état nous narre. Et puis notre haine en rajoute. Va dire à l'extrême droite qu'on vient lui cracher sur la joue. Les blêmes se rajoutent quand notre haine s'agite. Sache que la peine prend fin lorsque l'esprit agit. Le cœur fragile, mais la tête agile. R2 haine des réunions en rap pour que le bonheur se